Pour audacité, tant de sang par Phédie d'Urk. J'avais tué un homme et je plongeais dans la nuit. Ma peau était brûlée et mes yeux me faisaient mal. La morsure du froid blanchissait mon visage. Je n'avais plus le temps de penser. Il me fallait courir. La route était éventrée devant moi. Un corps criait et une auto sur le dos faisait hurler le moteur. Je n'avais pas le temps. On était à ma recherche. Au secours, cria-t-on. C'est à moi qu'on s'adressait. Je ne peux pas, je ne pouvais pas m'arrêter pour vous secourir. Vous devez vous débrouiller. Au secours, cria-t-on encore. Cette fois, le cri était plus fort et un homme était à genoux, visiblement blessé. Je fuyais. On en voulait à ma vie. Je devais fuir. Il m'aurait tué. Je suivais le sentier d'une petite vallée. Les herbes étaient hautes et mouillées. La lune brillait maintenant et formait des ombres angoissantes en jouant avec sa lumière. Sur ma peau, une fine goutte d'eau coulait. C'était de la sueur. C'était de la peur. Mon Dieu, délivrez-moi de ce cauchemar. Mais je m'étais écarté du monde des vivants en ôtant la vie à un homme. J'étais condamné à fuir toute société. J'avais franchi le pas de l'humanité. Bientôt, sans doute, ce serait moi qui devrais affronter la faim. Je n'étais pas prêt. C'était une terre esquintée, démente, dépeuplée, vidée d'espérance et de passion, morne et triste, comme un jour qui s'éteint dans la joie. La pierre, les roches et la terre, c'était tout ce qu'on pouvait tenir de ce lieu dépossédé. La mer frappait la côte avec la violence d'un assassin. Son écume s'étalait en sa surface comme la bave d'un animal enragé. C'était un temps de sang, d'exécution. Cela sentait le cadavre et la potence. Les hommes étaient excités par le meurtre, le sang et le sexe. On ne pouvait les retenir. Et pas un jour ne passait sans qu'un drame ne vint endeuiller cette région malade. Une obscure maladie avait jeté son dévolu sur cette terre, si calme autrefois pourtant. Des cris crevaient le silence, sondaient l'espace et retombaient comme l'écho lourd d'un marteau puissant sur l'enclume d'un forgeron céleste et dément. Je marchais droit devant moi, inconscient du danger, en ignorant la peur qui me serrait le ventre. Je fixais la faible lumière du phare à quelques lieues de là pour m'orienter dans la nuit, seule boussole pour les âmes perdues et désolées. Comme un enfant qui se met à chanter, la tempête s'était calmée, mais les voix des hommes en colère se rapprochaient de ma solitude. Ils demandaient la mort d'un étranger, d'un inconnu, car on avait tué dans le village un enfant du pays. Le sang versé devait être effacé. À ce moment, on eût dit que le silence régnait, mais un aveugle eut entendu le bruit des fourches, le chant des faux et des faucilles, l'appel du sang exigé par une mère éprouvée. Que faire? Personne ne savait qui j'étais. Donc j'étais le meurtrier. Il fallait fuir, mais où? Là-bas, c'était la mère qui me tendait les bras. Devant moi, le phare lumineux en lequel je supposais un asile salvateur. Je courais comme le lièvre qui fuit la chevrotine. J'étais venu vers un ami, comme on tend les mains à un inconnu parce qu'on a faim. L'ami m'avait répondu. Mon isolement, scellé de rêves terribles et de désirs coupables, avait construit autour de moi des défenses de roc, retenant les hommes dans le lien qu'ils voulaient me tendre et m'emprisonner. La folie me guettait. Déjà je voyais des ombres noires et des lumières intenses danser devant mes yeux fatigués. Je voulais la mort car je souffrais trop. Mais avant, il me fallait voir mon ami pour lui dire au revoir. Les paysans se rapprochaient. Ils avaient lâché leurs chiens. Dans quelques minutes, mon corps serait sacrifié et jeté en pâture aux molosses. Mais soudain, je m'enfonçais. Je criais. Où étais-je? Je tombais dans une fosse. Et mes hanches étaient déjà prises. Je voyais des assassins arriver en souriant. Ils avaient des gueules de goules, improbables formes, des haillons de vêtements, des pantalons de toile rapiécés, des couteaux usés. Je me dégageais du sable. Je repartais. J'atteignais le phare et j'hurlais ma joie à Jean, mon ami, qui devait se trouver là. Je frappais à sa porte. Personne ne répondait. Je frappais encore plus fort. Cette fois, je donnais des coups de poing lourds. Enfin, le battant s'était ouvert, mais il n'y avait personne. Personne. Je passais le vestibule et je criais « Jean !» Il ne répondait pas. Il avait dû porter secours à la voiture accidentée et à ses deux occupants. Sans doute. Mais la pièce, les pièces, ne possédaient plus le même mobilier. L'armoire avait disparu. Quelqu'un d'autre habitait ici. La peur me saisit, et je surgis du phare comme un démon. Au même moment, la troupe hirsute des paysans déchaînés venait pour me saisir. Je courais encore, mais la falaise s'annonçait devant moi. J'étais pris. Il me fallait mourir. Au fond, c'était juste. Est-ce qu'un coupable ne paye pas son crime? Comment ai-je pu croire que je jouirais de l'impunité? Œil pour œil, dent pour dent. C'était comme ça, ici, chez les paysans. Bien, alors mourons, me dis-je. M'entendait une corde à une branche. L'arbre était grand et beau. Je serais bien ici. Allons vite, faisons vite. Ils étaient près de moi, là, comme des enfants, souriants. C'étaient presque mes enfants. C'était ma famille. Un petit assujettit la corde et s'assura qu'elle était bien liée. Il ne parlait pas. Il se comportait étrangement. Bon, eh bien, pendez. Allez-y. Finissons-en. On enleva le rocher sous mes pieds et je tombais. Je m'étouffais. J'allais mourir. La dernière chose que je vis fut une armée de militaires tout habillés de blanc et puis des libellules qui parcouraient la nuit.